On arrive à 70% tranquillement, pas vite. Est-ce que... Ah, Daniel, ben oui, il est occupé avec ses fans de partout quand même. Après 20 ans de showbiz, un gars laisse des traces, tu sais, hein? Toi, Bruno, ça va? Ah ouais. C'est bon, ça. Les chroniqueurs sont pas trop loin. C'est quoi qui se passe, Élise, Laurent? Avez-vous des nouvelles de Mathieu? Ah, c'est un petit peu éparpillé partout, ce qui fait que ça m'amène à dire, Nick, t'es-tu prêt, toi? Bon ben, quand tu veux. Bonsoir. En manchette ce soir, on parle des vraies affaires. Vous êtes à 70%. C'était bon, ça? Les vraies affaires, on aime ça. Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent, tellement fait fort, du bon fort, j'attends et doutons encore. Oh, oh, oh, oh. Pas question de réponse bidon, pas de nouilles, rien de méchant, pas de bêtises, pas de Jésus, les douteux doutent à nu, tout nu. Quand la cloche sonne, un bon doute donne. Est-ce qu'on s'est endormi depuis qu'on pense qu'on sait ce qu'on dit? Vive la vie, vive le vent, doute à 70%. Et voilà, c'est la procédure habituelle. Il faut applaudir le spectacle gratuit quand il commence. Quand vous payez, je sais pas comment ça marche, mais ici, voici. Très content de vous recevoir à 70%. Mon nom est Tommy Godette et je trouve qu'il y a comme une forme de fesse bizarre sur ma chaise. J'ai entendu le show de la semaine passée. Oui, pardon, Daniel. Daniel Grenier, mesdames, messieurs. Oui, oui, oui. Aïe, sérieux, là. Très content de t'avoir avec nous. Je racontais quoi, moi? Tu parlais de la forme de fesse sur ta chaise. Oui, c'est vrai. J'ai écouté le 70% de la semaine passée et je dois vous dire que j'ai laissé ça en de mains professionnelles et déprimées. Je sais pas ce qui s'est passé. D'habitude, on essaye de faire ça un petit peu plus léger, mais les gens étaient sincères et impliqués. Il y en a un qui a parlé de sa mère décédée et l'autre de son village qui va fermer. Voilà. Donc, les gens. Ouais, c'est ouais. Ça. Il fallait que ça sorte. Ah, ça les a fait du bien. Exactement. Ben, c'est quand Tommy est pas là, les gens sentent qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Exactement, oui. tout le monde sait que je suis le despote en charge, oui. Toi, t'es un habitué de 70%? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ben, je commence à l'être. Okay. Quand est-ce que t'as entendu parler de douteux pour la première fois? Je pense qu'on est amis Facebook, ça se peut. Hein? Puis là, je l'ai vu sur sa page à elle. Puis après, j'ai commencé... là, elle m'en a parlé. Puis je suis allé voir. Et voilà. J'ai vu la superbe affiche qui a été faite cette semaine, qui est hallucinante, du Pirate des Caraïbes, que je suis comme enfant. Oui! C'est génial. Ça, c'est Bruno, notre VJ ce soir. C'est très beau. Je ressemble à Roger. Roger, si j'avais été Roger en 1830. Et voilà. Dans les Caraïbes. T'aurais été une Roger forte, capable Roger de prendre. Hein. Avec ce qui m'amène, en fait, à parler des chroniqueurs de ce soir, de la teneur de ce qui s'en vient à partir de maintenant. Là, on est à 70%. Je vois, il y a Laurent comme chroniqueur. On peut l'applaudir. C'est de bon ton. Bonjour. Andy. On a Mathieu aussi. Il y a Simon Portelance qui est là. Élise à la caméra. Bruno qui est aux nouvelles, comme d'habitude. Et puis Nick à la console avec Bruno de Coninck. Tantôt, ils vont nous faire un spécial pirate. Parce que je sais pas si tu es habitué avec le calendrier, cet outil très grégorien qui nous suit et prend le contrôle un peu partout. Ça vient des pirates? Ben, en fait, c'est que le calendrier a décidé qu'il y avait une journée qui s'appelait « Parle comme un pirate ». Oh, wow. pendant l'année. Puis là, il faut que tu fasses har-har tout le temps. Et ça existe, cette journée-là. Et d'ailleurs, on a retrouvé le clip que tu joues un pirate dans le passé. Ouais, ça tu doit vois. Être dur de se commander une poutine quand tu fais juste un har-har. Ben, une poutine avec un extra. En tout cas, il faut se débrouiller. Faut se débrouiller. Sinon, ben voilà, tantôt, on va avoir ça après. On va avoir un set de VJ. J'ai aussi ce soir mes deux publicités pour le parti Rhinocéros qui s'en viennent. Je suis un politicien très impliqué. Ah, mon slogan à cette campagne-ci, c'est « Je divise le vote pour Justin Trudeau ». Ah, bon, ben c'est parfait. Ça, on est très contents. Pour Justin Trudeau, votez pour moi. Et voilà, ce qui m'amène à parler un petit peu avec notre invité de ce soir. On l'applaudit encore, Daniel Grenier, mesdames, messieurs. T'es passé en solo, ça fait pas très longtemps, là. Non, ça fait pas très longtemps. Ça fait peut-être un an et demi ou deux, ou un an et demi, que je fais des shows un peu partout tout seul maintenant. Comment les autres ont pris ça? T'es as-tu comme amené au Tim Hortons, puis tu lui payes un café? S'est fait naturellement, tu sais, c'est pas moi qui ai décidé. On a fait 23 ans, on a mis des perruques. Ah, c'est long, hein? Il y a du monde ici qui ont même pas 23 ans. Ben, c'est ça, moi j'ai plus 20 ans. Tout quel âge? 33. Ah, bon, ben, tu vois. Bon, lui, ça grandit juste dans le vecteur temporel, pas dans le vecteur spatial. Genre, okay. C'est une joke de Meg, Okay. On aime bien ça, les jokes de Meg. Ouais, sais-tu c'est quoi que, mettons, quand lui, il a une mauvaise idée? C'est un plan de Meg. Un plan de Meg! Est bonne. Bon. Et puis, ben, sinon, toi, t'es comme spécialisé dans l'absurde. Est-ce que c'est un choix ou t'es né là-dedans? Je pense que c'est une enfance fuckée. Non, mais t'as une enfance bizarre. À un moment donné, tu vois des... Puis à un moment donné, ben, ça devient naturel. Et ah puis, oui, va mieux celle-là? Ah, merci. Oui, c'est... Ah. Me semble aussi. Celle-là, j'ai de la bass dans ma voix. Ouais, c'est malade. Ouais, si on aime ça. Anyway, tu t'es pas déplacé pour qu'on ne t'entende pas. Tu veux-tu t'asseoir sur moi? Il y a quelqu'un qui pensait, c'est comme à SimCity quand t'appelles le démon pour qu'il vienne détruire ta maison. Là. On a eu Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Sinon... enfance bizarre, on le sait, toi, tu viens de Victoriaville, c'est pas... Je dis ça, mais j'ai une mère merveilleuse. C'est... Non, mais je te dirais que j'ai toujours écrit d'absurde. Ton père, lui? Pour ça, j'ai spécifié mère merveilleuse. On salue le papa Grenier. Je pense qu'il est pas sûr qu'on s'en rappeler demain. En tout cas, non, c'est ça, c'est une autre histoire. Okay. Mais ma mère est merveilleuse, puis c'est ça, j'ai toujours fait de l'absurde, j'ai écrit de l'absurde pendant 23 ans, fait que... J'ai continué à écrire, tu sais. J'ai fait des shows partout dans les bars. Je fais toutes les premières parties de Mike Ward. Je joue partout, tu sais. Fait que j'ai fait quasiment 300 shows dans la dernière année. Eh hey boy, hein? Ouais. C'est le fun aussi. C'est comme j'ai lu, tu disais, t'as plus de 3 poches de stock de hockey à transporter, là. T'amènes ta guitare, ta petite valise avec des surprises. Oui, mais des fois, j'ai 2-3 valises. Je commence à avoir beaucoup de stock. Là. Ouais. Ma blonde... Faudrait que tu mettes ça off, l'imagination, peut-être. Tu penses? Non, je peux pas. T'as-tu déjà engagé des non-écrivains pour qu'ils... Tu sais, déchirer des idées ou des enfants de même? Non, mais tu sais, je parle avec du monde, puis ça circule. Non, mais moi, je suis assez inspiré dans la vie. J'aime ça écrire, puis tu sais, ma blonde, c'est ça. J'ai 43 ans. Ma blonde, elle m'a appelé l'autre jour. Elle dit, bon, je t'ai acheté des tablettes pour tes poupées. Ben, super sérieuse, hein? C'est vraiment pratico-pratique. Bon, je t'ai acheté une étagère pour tes poupées. Je fais que, ça me dit ça, j'ai 42 ans. Ben oui, c'est... C'est ridicule. Mais c'est sûr que ça va être pratique, parce que si tu sais pas quelle amener, tu vas pouvoir sélectionner. Oui, c'est toi que ben je choisis. Ben oui, puis même peut-être créer une petite infirmerie. Si t'as des poupées qui se brisent en show, tu vas pouvoir les mettre là. Non, mais tu sais, j'ai une affaire que je danse avec un chat que j'ai acheté chez Vase Caravane, là. Puis, sublime, on vient de le voir tantôt, la chorégraphie. Bravo, c'est une bonne idée, ça. Ben, c'est une bonne idée, sauf quand le chat brise. Man, moi, j'ai jamais suivi de cours là, en chat électronique. Là. Fait que dans le fond, ton chat, il est mort. Là. Ben là, bon, ton chat est mort. Fallu que je l'ouvre, le chat, puis j'apprenne à souder des fils parce que je ne voulais pas, tu sais, ça marchait bien. Le chat, il est brisé. Finalement, j'ai ouvert mon chat, je l'ai réparé. Puis là, je suis allé voir dans la boutique asiatique, mais ça, ces chats-là, ils en font plus. Mais il en restait un. La demande n'était pas forte. la demande n'était pas forte, mais ça a été fait en 1900. Ensuite, peut-être en 2009, c'était bien en mode. Mais là, je n'ai trouvé un choc, juste la tête marchait. Fait que je l'ai démanché, j'y ai ramanché le derrière. Fait que là, il marche au complet. Ah oh, ben ouais, mon Dieu. Je suis rendu pompé pour réparer des choses. Rockabilly à fond. J'aime ça, débrouillard. Ouais, sinon, ouais, ben, une question de même, là, on parle d'absurde, là. C'est quel ton doigt préféré? Mon doigt préféré, ben, c'est. Ça doit être le doigt d'honneur. Mais sans c'est lui, c'est ça le doigt d'honneur. Non, ouais, c'est mais ça, je sais pas, c'est pourquoi ça dit honneur? Il y a pas d'honneur. C'est ton honneur, je pense. Ah, c'est pour protéger. Ouais, ouais, ouais. C'est un ouais. bouclier. C'est ouais, ça donne. Ah, tu donnes non, le doigt. C'est vrai. Ah, oh, moi, je pensais que c'était honneur. Moi aussi. C'est vrai. Du... Ah oui, tu donnes avec ton comme... doigt. C'est Laurent qui est très visuel. Un doigt d'honneur. Tu peux-tu y aller avec les deux doigts en même temps, Laurent? T'es-tu capable? Il est content. Et puis sinon, est-ce que tu penses que c'est important d'avoir un dinosaure préféré? Ben oui, parce que ça peut te faire du bien quand tu y penses. Quel est ton dinosaure préféré qui te fait du bien quand tu y ben, penses? Ben moi, c'est le long cou, là. Qui ah ouais, le diplodocus, genre? Qui mange de l'herbe, là. Il c'est a banal, l'air ça. C'est comme les vaches du passé. C'est les vaches du passé, c'est ça. Mais j'aime ça penser à des vaches aussi. C'est je, fair. Moi, je suis constant. Je suis constant dans mes pépites. J'ai un pépites. Film pour toi. Ça s'appelle Bovine ou la vraie vie des vaches. Ah ouais? Et c'est un gars qui est allé dans une étable en France. OK. Puis il a filmé des vaches. Ah! Et c'est juste... À un moment donné, il y a un sac en plastique qui arrive, là, puis c'est l'élément perturbateur. Le sac en plastique, il est ah dans ouais? le vent comme ça, puis là, les vaches surveillent tout, puis ils regardent ça. C'est fabuleux, ah ce oui. film-là. Mais moi, si t'es un fan de vaches, tout fan de vaches devrait écouter Bovine ou La vraie vie des vaches. Mais moi, c'est parce que j'ai un chien, un boston terrier, okay. il me fait penser à une vache parce qu'il a des gros yeux, puis il est blanc noir et noir et brun. Aussi, ouais. puis, mais tu sais, à Victo, des fois, je vais sur le bord des. Quand il y a des chants de vaches, j'arrête, puis j'essaie de chanter des petites tunes, puis ils viennent me voir. Oh, c'est cute! Oh. Ben ouais, mais tu sais, je trouve ça le fun. Est-ce que ça t'arrive des fois dans un spectacle d'imaginer que la foule à qui tu chantes sont des vaches pour peut-être aller chercher le même feeling? C'est pas que encore, mais tu sais, avec cette table-là, par exemple, ben ouais. c'est concept en crime. Hein? On te le souhaite. En tout cas, tantôt, on fera mieux pour t'encourager. Ouais, c'est bon, et sinon, bon. Ben, une question que je pose à tout le monde, et c'est très important. J'ai pas beaucoup d'espoir. Fait que si tu réponds oui, ça se peut que je réagisse violemment. Ah, OK. okay? Je suis capable de contrer la violence. Fait que c'est pas grave. Avec ton art, j'aime ça. Est-ce que tu joues à Magic? Non. OK, c'est non. bon. Mais je sais c'est quoi, c'est des cartes, là? Ouais. ouais. Mais il y a des beaux dessins là-dessus, mais c'est flou. C'est flou. Ouais, mais tu sais que même si tu sais c'est quoi, moi je suis pas plus content. Ah, ok. Mais t'es un peu plus content quand même. Parce qu'on n'est pas obligé de parler de Pokémon. Ça, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Ah, est-ce que t'es pour les Pokémon Fairy, justement? On va ah, quand Fairy, c'est là, quoi Fairy? Les Pokémon Fairy, c'est une nouvelle. Ah, c'est la nouvelle coche. Ouais. Mais c'est les upgrades. Mais moi, je trouve ça que c'est assez créatif. Ah, ben, tabarnak qui connaît les Pokémon, par exemple. Non, mais tu sais, les bébés. Bits, ils ont tous des noms flyés, ils ont tous des faces bizarres, c'est des mélanges, ça c'est flyé. Ça, je trouve ça intéressant qu'il ait été, mettons qu'il mélange un renard, puis il y a comme trois queues, je sais pas trop, puis ouais, l'autre ouais, il ouais. va trop vite, puis il se transforme. Mais je trouve ça intéressant, je connais pas ça tant que ça, mais je trouve les bébites belles. Puis t'as parlé des images de l'autre tantôt, t'as-tu un petit fond de fan d'artistes visuels? Ah, ben moi je peins, j'aime ça peindre, tu sais, comme la pochette de mon album, c'est moi qui l'a peint. Qui l'a ah, peint. Ouais. ok. J'aime ça peindre des affaires flyées, t'sais, j'ai déjà peinturé Hitler en G-string qui se check dans le miroir en se jugeant. Hey, l'image a été créée dans la face à tout le monde. Y avait-tu le bras de main, moi aussi? Non, non, il se juge. Non, mais il y a ses bobettes, puis je check, il y a des petites bottes de bottes sexy là, qui montent jusqu'au genou. Ça s'appelle « Pendant que les bombes tombent ». Mais je ne savais pas, mais apparemment qu'il avait super des problèmes avec son corps. Et là, j'ai ça par rapport à qui n'a pas de problème avec son corps? Ben, ça dépend. Maintenant, on fait avec. Qu'est-ce que tu veux? Hein? À la trentaine! On est comme ça, on est comme on est. Hein? Mais bon, tout ça pour dire, on est très content de t'avoir avec nous, Daniel. C'est vraiment un honneur. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui font de l'humour et des clips. Il est comme arrivé YouTube. Je ne sais pas si tu es au courant. Oui, depuis, ça, oui. Ben, je suis au courant des Pokémon. Je vais être au courant de YouTube. 2-0. Ça va vite, ça va vite. Il va falloir changer de goaler au prochain. Mais depuis la génération YouTube, c'est sûr et certain que votre espèce de manière d'amener l'imagination et de le faire à la place de ne pas le faire, là, Ça, c'est des belles valeurs que je pense que vous avez partagées avec la jeunesse québécoise. Je suis content que tu me dises ça. Eh ben, merci ça, beaucoup. C'est de mérité. Le faire à la place de ne pas le faire, c'est mérité. Cool. Ben oui. Merci. Et puis, ben là-dessus, 70%, c'est un show avec des chroniqueurs. Ils sont tous autant poilus les uns que les autres. Et ils vont venir sur le stage et parler... Oui, c'est ça, tu fais. Parfait, ben, je fais avec vous. Peut-être que tu vas revenir comme chroniqueur à un moment donné. En bébête. Ça serait pas pire, ça. Mais bon, là, les chroniqueurs vont passer un après l'autre. Toi, tu restes sur le stage. Okay, tu as parfait. Le micro. On va t'entendre. Et ça, je suis très content de le dire. Il a amené sa guitare. C'est pas pour rien. Après l'entrevue, tantôt à la fin du show, on va attendre Daniel Grenier. On va lui laisser le stage et pouvoir savourer en mangeant des ailes de canard. Living the dream. Là-dessus, ben, oui. Vous pouvez applaudir. Let's go, Nick. On commence 70%. Maintenant, les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Ah, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, je ne fais pas de nouvelles, mais en même temps, tout est un peu des nouvelles. C'est vrai. Sauf si tu le savais avant. Donc, comme moi, il me l'a déjà dit qu'il ne faisait pas de nouvelles. Donc, c'est pas une nouvelle pour moi quand il dit qu'il ne fait pas de nouvelles. Voilà. Donc, j'ai préparé quelque chose d'autre, mais c'est un peu des nouvelles. Quand même, mesdames et messieurs, parlons des vraies affaires, celles qui sont importantes, celles qui nous ont touchés. Aujourd'hui, déclaration choc d'une figure de proue de la royauté américaine, Matt Damon a enflammé les réseaux sociaux et les sections de commentaires de publications prestigieuses telles que Entertainment Weekly et TMZ, affirmant que Jason Bourne pourrait facilement casser la gueule de Batman. L'incrédulité est palpable dans la salle, mesdames et messieurs. Non, mais Batman, il y a plein de gogos, lui. Puis il y a un char qui va vite. Jason, court. Moi, je vois des expressions de terreur dans la salle en ce moment. Non, ce ne sont pas des plaisanteries. Alors qu'il parlait de son futur ancien ami Ben Affleck, qui est sur le point d'apparaître à l'écran en tant que la 34e incarnation du super-héros portant les chiroptères couleurs. Hein, juste 34, hein, quand même. Aye, je pensais qu'on était rendu plus loin. Play, play le cul, Batman. Alex, hein? Checker les micros, me semble. Me semble que ça buzz un peu. What? C'est-tu moi? Je pensais que c'était tes cordes vocales. Je vais m'éloigner un peu. Non, mais il va faire Batman Ben Affleck, c'est ça que tu dis? Ah, oui. Ah, bon. D'accord. Alors, oui, donc, comme je disais, qui devra incarner la 34e incarnation du super-héros au chiroptère couleur. Damon a soutenu que Batman devra d'abord réussir à battre Superman pour évaluer ses chances contre Jason Bourne, qui, selon lui, est un super-héros supérieur qu'il s'apprête lui-même à incarner pour la 18e fois à l'écran, non. Malgré avoir affirmé ne jamais vouloir retourner à cette franchise. Est-ce vrai, ça? Tout ça, c'est vrai. Anciennement inséparables, Matt Damon et Ben Affleck étaient le couple homosexuel platonique le plus en demande d'Hollywood. Les deux lauréats d'un Oscar, on s'en souvient, mesdames et messieurs? Ils partagent le même Oscar. Pour l'écriture. Risquent d'en venir à se détester sous peu. Matt Damon, que l'on a longtemps affectueusement nommé « celui qui est bon », et maintenant confronté à ce que c'est d'être Ben Affleck, d'être détesté de millions de personnes. La différence étant ici que les gens ne critiquent pas son talent, mais bien ses propos incendiaires. La question reste donc, mesdames et messieurs, est-ce que Jason Bourne pourrait casser la gueule de Batman? Fouillons plus en profondeur. Ben moi j'espère, en tout cas. Batman a des milliards de dollars qu'il peut mettre dans la technologie pour casser la gueule de Jason Bourne, mais Jason Bourne s'est déjà fait poursuivre par une agence secrète gouvernementale disposant de milliards de dollars pour lui casser la gueule et n'ont jamais réussi. C'est vrai. Point, Jason Bourne. En trois films. Batman et Jason Bourne sont tous deux surentraînés. Un point chacun. Batman a plein de gadgets à sa disposition et une armure corporelle. Oui. Point Batman. Parce que Jason Bourne, lui, il a une brosse à dents puis il saute. Jason Bourne est capable de transformer tout élément de son décor en arme mortelle. Ce qui est une capacité qui n'existe pour personne d'autre. Point Jason Bourne. Batman est le meilleur détective du monde et Jason Bourne, pardon, souffre d'amnésie. point Batman. Les deux sont des personnages fictifs qui ne se rencontreront jamais dans la vraie vie et toutes ces théories sont invérifiables. Point 7 match, moi. Mesdames et messieurs, vous êtes des losers. Je vais terminer cette petite dérogation de mes fonctions habituelles avec une prose qui m'a été inspirée par une rencontre fortuite aujourd'hui. Ça s'intitule « Ode au gars en scooter électrique ». Salut toi, le gars en scooter électrique. Je sais que tu peux te servir de tes jambes, mais tu as décidé de ne pas le faire. C'est ton droit en tant que Québécois. Justement, tu l'affirmes fièrement ta québécitude. Tu brandis les couleurs de ta non-nation sur l'oriflamme en plastique blanc accroché au siège de ton scooter. Ta liberté, tu la vis sur les trottoirs de la ville. Tu roules trop vite, tu es un danger pour ceux qui ont décidé d'utiliser la mobilité musculaire de laquelle leur créateur les a bénis. Mais tu es aussi libre sur la piste cyclable, ne roulant pas assez vite et même parfois à contresens, parce que tu es à contresens dans ton cœur. Oui, tel un easy rider des temps modernes. Tu cruises à toute allure, alors que tes trois batteries chargées à bloc te permettent, sur le long de la Papineau, de la Saint-Denis ou même de la Mont-Royal, à la recherche de sensations fortes, on peut te voir manger des ramen crus avec ton litre de vrai Pepsi acheté à ton commerce local préféré, Dollarama, pour 79 cents. Quel snack approprié pour regarder les travaux sur Laurier. Tu représentes cette Amérique qui n'existe pas pour les autres ou même pour elle-même, mais simplement pour exister, sans passé, sans futur, sans attente, sans ambition, contente. Oui, c'est à toi que je parle, gars en scooter électrique avec un drapeau du Québec qui mange des ramen crus en regardant les travaux sur Laurier. Qui es-tu? Pourquoi es-tu? Mon problème. Et peut-être que je me pose ces questions. Toi, tu n'as même pas à leur répondre. Et c'est le rêve que j'ai pour moi. C'est le rêve que j'ai pour nous tous. Oh, bravo Bruno! Talent cœur ouvert! D'habitude, il nous parle de nouvelles internationales qui se passent pour vrai, de vols de dépanneurs puis de cave de la ville. Mais là, finalement, Matt Damon est arrivé, puis je pouvais pas passer ça sous silence. Ben non, ben en fait, t'as fait des nouvelles avec de l'éditorial. Est-ce que t'es un fan des nouvelles internationales, toi, Daniel? Moi, j'écoute pas les nouvelles, jamais. Jamais. Mais j'écoute Batman. J'aime mieux écouter Batman. Mais les nouvelles, c'est bien trop déprimant. Sincèrement, là, tu t'allumes la TV, puis à la fin, je pleure à chaque fois. J'haïs ça. Non, j'aime mieux pas écouter nouvelles, puis regarder mon chien, puis mon chat, puis aller voir des vaches, chanter pour des vaches. Ça, j'aime ça. Ah ouais, là-dessus, on passe au prochain chroniqueur. Que la foule suit le rythme. C'est correct. Miaou, miaou, miaou. Salut, ça va? Ben oui. Avoir su qu'il n'y avait pas de nouvelles, j'allais faire des nouvelles. Il y a eu des nouvelles. Oui. On a parlé de Matt Damon et de la twittosphère. C'est vrai. C'est rempli de tweets. Puis je sais pas comment faire vraiment pour. C'est le premier à faire cette blague. On écoute Andy. Je pense. C'est correct. Je suis habitué. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Ça va bien. Good, good, good. Arg. Check, check. Ouais, je sais. One, two, ça va bien. Meu. Arg aussi. Meu, arg. Non. Pirate vache, ça. Non, je me demandais quoi faire parce que je viens de passer une semaine en vacances. Sur ça, j'avais 5 jours de grippe. Fait que j'ai rien foutu. Puis je me suis dit, quel bon moment pour créer une chronique que ça va prendre à peu près 10 minutes à créer, puis on va avoir plein de plaisir ensemble. Pas tant que ça. C'est un quiz. On va jouer ensemble. C'est pas si le fun que ça. Donc, s'il y a quelqu'un dans la salle qui travaille pour Piment Fort, vous pouvez le prendre le quiz. Il n'y a aucun problème. un des 100 personnes les idéastes derrière. Ou qui écoute, là, ouais, c'est ça. Hey, as-tu été appelé pour Piment Fort? Ouais. Non, mais on a déjà été appelé dans le temps, les Chicken Swell, puis on n'y avait pas été. Non. Pourtant. Parce qu'on ne pouvait pas écrire nos gags. On ne pouvait pas écrire nos gags. Il y avait un scripteur qui écrivait 3 gags, qui choisissait le gag, puis que c'était souvent des gags sur les personnes. Ah! Ouais. Ben, tu peux choisir ton gag. Il y avait des parmi 3 gags. Le Piment Gate, man. Oui, oui, il y avait. Fait que c'est ça, il avait pas été. Mais j'ai pas été appelé encore, non? Ah, bientôt, c'est sûr. Non. Ils vont se rendre compte qu'il manque du monde. Puis que... Non. Non, parce que le quiz qu'on va faire ce soir, ça va être plus avec le chroniqueur. De toute façon, les autres. Ben, Mathieu, il est dans le fond là-bas. Portelance, je sais pas, il est avec trop de cheveux. Ok, c'est beau. Ben, dans ce cas-là, on va faire embarquer la foule. Mon jeu, c'est assez simple. J'ai pris des chansons, des bouts de chansons, et j'ai fait une tradition instantanée. Puis on va essayer de deviner c'est quoi la chanson. Une tradition, hein? Une traduction. Ah, okay, okay. Ah, moi aussi, c'est ça que j'avais entendu. Je savais si c'était ça qu'elle disait, mais je suis content que tu aies posé la question. Bon. J'ai traduit le mot traduction. Ça a donné traduction. Ouais. Let's go. On y va. Autocorrect, c'est ça que ça Ton regard se fixait, jeans déchirés. Peau se montrait, chaud de nuit. Le vent soufflait. Où tu penses aller, bébé? Salut, je viens de te rencontrer. Et c'est fou. Ah, c'est, mais voici mon numéro. Ouais, c'est quoi? C'était une facile, c'est Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen. Je ne vais pas les chanter. Si vous voulez les chanter, vous pouvez vous gâter. Hey, ça a l'air cave quand c'est traduit, ça. Ouais. Parlant de ça a l'air cave quand c'est traduit, on passe au prochain. Lundi, mardi, mercredi et jeudi. Ah, The Cure! Vendredi, samedi. The Cure? De samedi à dimanche, non. Non. Viens. Viens, viens, viens, viens avec nous. Tu sais ce que nous disons? Dire fête chaque jour, fête chaque jour. C'est Kiss, rock and roll. Non. Jonathan l'a eu, c'est I got a feeling. Et je sens que ce soir sera une bonne nuit. Que ce soir sera une bonne nuit. Juste avant que le ce refrain, soir sera une beau, bonne, Joe? Bonne nuit. Hey, c'est bon, comme ça. On passe au prochain? Ben oui. Vous allez voir, j'ai augmenté tranquillement la difficulté. Regarde cette photographie. Chaque fois c'est que Nicole Back. Ouais. Tu l'avais déjà traduit chez moi. Yeah! C'est plate, je l'avais faite au complet, celle-là. On va sauter par-dessus. Ah, OK. Chaque fois que je fais ça... Attends un peu. Elle est dure à traduire, celle-là. Chaque fois que je fais ça, me fait rire. Comment nos yeux deviennent si rouges? Et qu'est-ce que cette chose sur la tête de Joey? Et c'est là où j'ai grandi. Je pense que le propriétaire actuel l'a arrangé. J'ai jamais su ce que nous ayons... Okay. Cette phrase-là, j'ai vraiment beaucoup de misère là, à traduire. Encore dans Nicole Back? Oh, oui. J'ai jamais su que nous ayons été sans la deuxième étage. C'est dur de se faufiler de l'or. Et c'est littéralement parce ça. Parce qu'il a changé la couleur des tapis. On va sauter à l'autre. Oh, oui, oui. Heureusement que mes lèvres non seulement marmonnent, elles débordent de baisers comme une fontaine. Heureusement que mes seins sont petits et humbles. Pour que tu ne les confonds pas avec des montagnes. Heureusement que j'ai des jambes fortes comme ma mère. Pour courir vers un abri quand j'en ai besoin. Non. Pour courir vers un abri quand j'en ai... Et ces deux yeux que pour... En plein ça. Donc, et ces deux yeux pour qu'aucune autre, le jour de ton départ, va pleurer une rivière. C'est quoi ça? N'importe quand, n'importe où, nous sommes faits pour être ensemble. Je serai là et tu seras proche. Et c'est le contrat, mon cher. Whenever. Les jambes fortes comme ma mère, moi j'adore ça. Ouais, ouais. Moi, les seins petits et humbles. Ça, c'est cute. C'est cute. Ah, Shakira. Bon, j'étais au travail, je faisais des emails, je prenais des appels, je faisais ça aussi, puis j'étais ah non, je vais faire l'inverse. T'étais malade, 5 jours de grippe ouais, la c'est semaine. Vrai, excuse. Ouais, ouais, mais je parle d'aujourd'hui, j'ai fait ça aujourd'hui. OK, là. C'est bon. Je me suis dit, hey, on va faire l'inverse. Ben, ça peut être aussi drôle, tu sais. Fait qu'on commence. Oh. Il Fait que c'était Éric Lapointe, là. Hey, my sweet. We are good together. Français. Me, I know that every day I cannot believe it. I like it to snug you. Wait. while listening to our favorite shows. On va aller dans le bon bout, là. Give me my... hey, don't you flee. Give me my kiss before you go. You always knew how to seduce me. Look, here's your flower. I had hidden them in the closet. Did you think you would skip it tonight? Oh, next. Ça avait été déjà déterminé que c'était géant, oui. Mais c'est pas grave. Mais il voulait nous faire le... T'as gagné aussi. Géant? Ah, mais c'est un inside, ça se peut... On va peut-être la passer tantôt. Hey, géant, y a-tu l'air d'un pirate? C'est-tu bon, ça? Non, mais ça se négocie, ça. OK, cool. Fait que si je te donne deux vierges non, que j'ai capturées, ouais, c'est prochaine, bon. Prochaine. Whoever wanted to see the end of his life, whoever experienced the warmth of your bed, whoever touched the sky of your hair. Ça, c'est Éric Lapointe. Ça, c'est Éric Lapointe. Brume de ta bouche. Brume de ta bouche. That brats blows themselves, that other touch themselves. Mist of your mouth will always be wet. J'en ai une pour Tommy. Tommy. La chicane. Non. Surprenamment, non. She understood everything in her winter in the shade. She has other desires now, she told herself. Start a new life at the end of childhood, she had to break from the long wall of silence. Today the road is ahead. She wants to laugh to forget. The time of hers just fell asleep like a child. She needs Caroline? To laugh. Non. Non. on est au refrain. On y est. C'est le corridor, là, non. Celui qui mène. Non, à non, non. On est au refrain. Vous allez, ça va aller vite. Là. From city to adventure, the road is long. De ville en aventure. Brain. C'est Brain. C'est Brain. Yeah. Brain. Hey, ça fait 65 ans, ce gars-là s'appelle Breen. Hein? Ah oui? Non, mais si c'est pas un héros. Ça. Il a été baptisé comme ça ou il Breen. L'a chanté? Ah, oh, ouais, c'est son vrai Breen. C'est oh, un ouais. Beau nom, Breen. Il a été Breen et Breen. Ça sonne bien. C'est un verbe aussi. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser sur cette dernière chanson. On revient en français. Tu es tendre, succulente, si douce et mince. C'est comme une vision sur ta peau. Ça illumine ma journée et c'est aussi vrai. Ensemble, nous sommes un séparé. Nous sommes deux. Pour te faire toute mienne est mon désir. Car tu contiens une qualité, toi que j'admire. Tu es ordinaire et simple. Tu gouvernes mon monde. Alors, essaye de comprendre. Je suis en amour, fille. Je suis tellement en amour, fille. Je suis juste en amour, fille, et cela est vrai. Fille, tu sais que c'est vrai. C'est les Backstreet Boys. Oh, oh, oh, je t'aime. Oh, elle, c'est Milli Vanilli! Ben oui! Oh, God! Hey, ça, je sais pas si vous savez, là, mais ça vieillit très mal. Particulièrement mal. Hey, il y en a même un des deux qui vieillit très mal. Oui. Ben, voilà, ben, j'en ai une dernière, mais ça, on n'a pas le temps. On oh, pas. On n'a pas le temps. Fuck non, on n'a pas le temps. On hein. Va t'asseoir. Bonne soirée. Ben, c'était bon, bravo! Merci, hein, des jokes! C'était bon, on ça. Bon, on l'aurait peut-être pas, là. Non, non, mais t'en ramèneras une autre fois. C'est apprécié. Toi, as-tu déjà fait l'exercice de traduire, mettons, drummer de Kiss? Non, mais je me rappelle, en secondaire 3, il fallait que je traduise Living on a Prayer de Bon Jovi. Ah, les profs d'anglais, hein? Ouais, ouais. Est-ce que ça écoute le Billboard Top 40? Je vais t'en prendre une autre, Martine. Et Nick, je te prendrai un autre chroniqueur, s'il te plaît. Allô! Salut Mathieu! Salut Daniel! Salut, ça va? Moi je regarde ça aller puis je me dis les Chicken Swell m'ont sûrement inspiré quelque part. Je sais pas. Non, ça mais, veut dire qu'on t'appelle Julie. Julie même. Mathilde. Non mais vous avez remis à la mode avec ta gang de capotés le costume de banane. Ouais. Puis c'est une mention d'honneur, j'aimerais qu'on l'applaudisse. Ah, ben, ça, oui. Costume Merci. De banane! Merci beaucoup. Ben, je voudrais qu'on applaudisse ma mère qui l'avait cousu aussi. Oh, oui! Ouais. Et je ne sais pas où est-ce qu'on était rendu, mais pendant un bout, on était tous tannés du costume de banane. Puis eux autres, ils ont mis ça à mode. Long bring back. Ouais. Ah ouais. Comme ça. Faut que tu y crois, tu fonces. Ouais, ouais. Ouais. En tout cas, cool. Bon, gars, j'étais supposé de faire un sketch avec Damien, puis il est pas là. Mais j'ai amené le stock, fait que j'ai dit... cette semaine, on va mettre quelque chose au clair tout de suite. La fille qui s'est faite pogner à enfermer ses enfants dans des boîtes en bois au fond d'une grotte au Missouri. T'as entendu parler de ça? Oui. Ben, je la connais pas, OK? Hey. Pas plus que je connais la brillante madame qui voulait passer un bon moment avec sa fille fêter ses 18 ans. Hein, elle voulait aller à Londres en limousine avec 8,5 grammes de coke. Ah, il s'en fait de la poudre. Bonne fête, il s'en fait en tabarnak, son deux dans une limousine. Ils vont voler jusqu'à Londres. Ben, j'en connais pas, elle, non plus. Bon. Et malgré ce que tout le monde pense ici, je n'échange pas de correspondance enflammée avec Guy Turcotte. Ça va faire les calomnies. Ah, parce que là, le monde jase. Le monde jase, ils sont là comme, ouais, on sait bien, vous autres, les parents négligents, vous êtes tous pareils. Attention. Attention, faudrait pas mélanger les pommes pis les pépins. Hein? Tu risques des prunes. Ah, puis ben, c'est sûr que des pommes avec des prunes, ça se vend moins bien. Tu sais, puis si t'es plus capable de vendre tes pommes, ben, tu vas faire faillite. Puis là, ben, tu vas perdre ta job, ta maison, ton char, ton confort, ta sécurité. Voyant ça, c'est certain que ta femme va te quitter avec les enfants. Laisse-moi te dire qu'avec le peu qui va te rester, tu vas avoir envie de t'acheter de la corde, Tom. On y pense pas tout le temps, hein, mais c'est pas juste pour les enfants que les crimes à l'enfant ont des conséquences. Pouette! Il existerait... Il existerait 4 types de maltraitance. Et non, ce ne sont pas mes hautes études en psychologie, ni ces livres que j'aurais pu lire qui le disent, mais bien Wikipédia. Physique, sexuel, émotionnel et la négligence. Et là, je vous entends, vous dites « Mais oui, mais là, il y a bien trop de formes de violence puis de qu'on puisse les mettre dans 4 catégories. » Oui, c'est évident, OK? Les mélanges se font, mais reste que c'est beaucoup moins compliqué de les diviser, puis qu'en plus, ça donne de la job à 4 au lieu d'un. D'un point de vue strictement économique, ça reste payant de diviser les choses. Bon, laissez faire. Ouvrez vos livres de culture et religion à la page 82. On va faire un peu de morale. Non, non, on se conscientise, mais c'est pas drôle. De tout le sketch, c'est ma phrase la plus fun. Eh bien passé, eh bien passé. Il y a du monde qui essaye de me faire passer pour un mauvais père en m'associant à des retardés du fin fond des États-Uniens d'Amérique du monde. Non merci! Je suis un professionnel. Une chose est sûre, Tommy, deux choses sont sûres. Un. Merci. Un. Un, mon fils est un ninja. Deux, je n'ai pas de fils. Trois, il s'agit d'une métaphore. On cherche le mensonge et on vote. Comme je dis tout le temps, applaudis ta souffrance, elle nous ressemble tous. C'est vrai qu'il dit ça tout le temps. Ouais. Ben, ceci étant dit, hier, Fiston m'arrive. Fiston, il dit « Papa, papa, pourquoi il y a 17 réfugiés syriens dans le grenier? » J'ai dit « Ben voyons, je te parle de maltraitance, puis tu m'arrives avec la solidarité, t'es donc bien hors sujet. » Tu sais, les enfants, hein, sont tout le temps dans le moment présent, puis ils s'occupent pas des vrais enfants. Juste à eux autres. Non, regarde, on rit, OK? Mais c'est pas drôle. C'est pas tout le monde qui peut en dire autant. Regarde ceux qui ont pas de visage. Ben, trop fréquemment, les gens enlèvent leur visage. C'est comme ils font ça. Quelqu'un, non, mais quelqu'un compte une joke, t'as pas de visage, c'est plate de pas pouvoir offrir son sourire. T'as pas de visage. En plus, pas de visage, c'est dur de se trouver une job, t'sais. Ben là, sûrement que plusieurs d'entre vous s'en souviennent. En 2004, après mon discours d'ouverture aux American Rapist Awards... Tu savais pas ça existait? Les American Rapist Awards, ouais. Ben, j'ai été nommé en 2003, 2004, 2006, recrue de l'année. T'as tout gagné, hein? Récidiviste de l'année aussi. Mais ça, c'est au Thief Award, ben. Ah oui, il y en a plusieurs, hein? Dans tous les pays, il y en a un gros. Pis... C'est ça. Ben, je m'étais fait voler le mien après mon discours d'ouverture. Et 2 ans, pas de visage, là. Avoir eu une bouche, j'aurais mangé mes bas. Le monde te juge, te lance des roches, s'abonne à ton Facebook pour présenter tes vidéos dans des soirées où on lance des bouchons de vin sur un écran géant. L'humiliation, Tommy. L'humiliation. Puis on l'oublie souvent, mais l'humiliation, c'est aussi une forme de maltraitance. Et oui, aujourd'hui, j'ai retrouvé mon visage, là, par hasard, à la piscine, dans les objets perdus. Mais pour les autres, là, les opprimés, les perdus, les maltraités, y a-t-il une solution? Ben, aucune idée. Aucune idée. Moi, j'ai pas fouillé sur Internet, pas lu trop de livres, trop occupé cette semaine. Avec ma job, le flow, le nouveau procès de Guy Turcotte, j'ai plus une minute à moi. En terminant. T'as-tu poigné Matt Damon aussi? Ouais, j'ai lu le fight. En terminant, c'est sûr que survoler un sujet à ce point-là, ça donne des heures pour mon brevet de pilote. OK? Il faut juste pas oublier qu'à travers l'humour et les blagues, il y a aussi un vrai drame qui se joue et que l'on voit tous les jours. Les médias. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Mathieu 2. Boudreau. Ça a pris, hein? Je ne porte pas de sous-vêtements. Non, je confirme. Je confirme. On a confirmation. Ah, je pense que ça va bien. À date, ton premier 70%, Daniel. Moi, j'adore ça. Ça me fait du bien. Je trouve ça très divertissant. Je trouve ça divertissant, c'est bon. On va peut-être t'utiliser. Ouais. J'en mets ta photo, puis je trouve ça très divertissant. Ah oui, ben oui, ben oui. Pourquoi pas? Ah oui, ça va être un sticker en vogue bientôt. Je pense qu'on est prêt pour le prochain chroniqueur, mon cher Nick. Bring it. Pass the break, tu passes avec Laurent Hagla. Ah, allô? Alors, Trace de briques du passé, le 11e. Alors, trace de briques du passé, pour ceux qui ne le savent pas, je retrace les gens qui n'ont pas su faire l'histoire. Et qui auraient dû la faire. T'as l'air émotif, Laurent. Oui, je sais, c'est plus fort que moi parce que j'aime beaucoup ça. Puis c'était pour Toto qui... Tout le monde sait, je suppose que vous avez une nouvelle, il est pas là ce soir. Alors, on va survivre tout le monde. Cette semaine, un lutteur, un vrai, un ex-lutteur, en fait. Je vous donne ce soir l'histoire d'un personnage unique de chez nous, parce que c'est tout le temps de chez nous. Un homme qui est littéralement né dans la station de métro Langelier, d'une mère chauve du nom de Jocelyne Dufour. Et d'un père obèse israélien du nom de Jacques Laporte, j'ai nommé Brillant Laporte Dufour. Mieux connu sous le nom de Shiny, la pinotte, le lutteur véreux. Alors, par souci ce soir de commémoration avec son talent, j'aimerais que, bon, si vous le permettez, recréer l'ambiance du centre Paul Sauvé où la foule répétait son nom chaque fois qu'elle l'entendait. Alors, Shiny! Shiny! Shiny! Shiny! Voilà, c'est comme ça qu'on le... Oh, oh, je vous entends vous demander intérieurement, mais pourquoi la pinotte? Je suis persuadé que votre imagerie mentale s'exercera en la modélisation d'un minuscule protubérance dans le costume de lutte de Shiny, qui se résume tout bêtement à une culotte très peu masculine. En effet, Shiny confirme le thème graine en la personne de son minuscule sexe. Tout comme ses allégeances politiques d'analphabète daltonien, il était convaincu que son costume était bleu, mais en fait, il était rouge. Malgré le fait qu'il ne comprenne pas exactement le terme, et de surcroît qu'il soit incapable de prononcer un mot aussi long, Shiny se dit indépendantiste. Pendant ma brève rencontre avec lui, j'ai cru comprendre qu'il voyait dans ce terme quelque chose en rapport avec les dents. D'ailleurs, vu que vous vous posiez la question, les dents de Shiny sont celles que vous pouvez voir sur les emballages de Crest. Qui aurait cru qu'un sourire parfait donnerait naissance à une vie de lutteur revêtant une si petite bite? Si vous demandez à Shiny, son opinion, il vous dira qu'il est un artiste à part entière. Et où celui-là? Oh boy, je te sens jugé. Il vous dira qu'il est un artiste à part entière, un entertainer qui donne des sentiments à des personnes, au même titre que Kim Kardashian et Xavier Dolan. Comme Toto, qu'on salue, par le fait même, il défendra bec et ongle que toute la ridicule machine WWF est une œuvre d'art. Il a effectivement voué sa vie, son art, la lutte, l'a avalé et l'a recraché comme une pipe juvénile avortée et non conclue. Shiny, ne nous le cachons pas, fait figure de sous-fifre au sein de la grande famille des lutteurs. Il était celui au grand cœur à qui on pouvait casser la gueule au grand plaisir du public. Non sans fierté, il décrivait à qui voulait bien entendre comment Hulk Hogan l'avait humilié à plusieurs reprises. Il se rappelait avec émotion les soirées bénies où le public urinait sur lui. Une gloire sans nom. Shiny avait ce trait de caractère. Avait ce trait de caractère, il éprouvait une fierté à faire parfaitement ce qu'on lui demandait, sans se poser de questions. Ce qui l'a fortement aidé pour se trouver des petits boulots lors de sa rapide déchéance post-luthière. Il me disait qu'il avait travaillé presque un an à faire des lifts à des filles qu'on lui indiquait. On l'avait averti, mais c'était pour le propre bien, qu'elles opposeraient parfois une certaine résistance. Il les apportait donc jusqu'au Vieux-Port à ses patrons, des amis russes, pour, semble-t-il, les amener en voyage dans un container. Shiny était quelqu'un de fiable et ne posait pas de questions. Shiny! Le monde est de moins en moins de son bord, on dirait. Là. Il a l'air pas mal con. C'est un lutteur. Et comme tout loser, has been surtatoué, comme son ami Michel Brûlé, Shiny s'est lancé en musique. Shiny! Il lui fallait trouver un style qui répondait à son quotient intellectuel d'être monocellulaire. Il sortit donc « Tu ris-tu de ma graine », un album rap. Franchement, qui savait... rap ou hip-hop? Franchement, qui sait vraiment faire la différence entre la chiasse et la diarrhée? Cette dernière tentative artistique n'eut comme résultat que de l'humilier encore plus, surtout que la pochette du CD était en un gros plan de son slip de lutte. Mais vous savez, bien caché sous sa carapace de grosse brute, brillant, la porte du four, caché, un gros fif qui pleure dans Top Gun. Lorsqu'il a enfin trouvé sa véritable voix et a commencé à confectionner des cerfs-volants, Shiny a finalement rencontré l'amour en la personne de Cédrica, 8 ans. Malheureusement, pour Shiny, cette idylle ne fut que de courte durée, et non à tort. On pourrait blâmer cette petite chippie du sort qui marquera notre vedette de ce soir, Shiny la Pinotte! Shiny! Vous voyez, bien que très jeune encore, Cédrica, on se demande bien sur quelle base elle pouvait comparer, mais enfin. Cédrica s'est rapidement plaint de la petitesse de la graine de Shiny, avec laquelle il était... Shiny! Qu'il était impossible pour elle de ressentir du plaisir entre deux fous rires. Devant cet obstacle, Shiny a tenté d'allonger la sauce. Shiny! La chose en se faisant percer le gland pour soulever des briques avec sa pinotte et balancer le bout d'avant vers l'arrière. Comme vous vous en doutez, cela n'a pas tenu et Shiny s'est vidé de son sang. Shiny! Et s'est vidé de son sang par sa tuyauterie défaillante. Nous n'avons jamais retrouvé Cédrica pour qu'elle réponde à ses actes. En la mémoire du lutteur brillant la porte du four, alias Shiny la pilote, une statue de cacahuète sera érigée devant l'usine Squirrel de Tétrouville. Alors, écoutons donc maintenant une cacahuète de plus de n'importe quel artiste hip-hop en disant que c'est Shiny. Merci, Laurent. Sacrement doux. Je veux vous vendre, je rêve qu'on ferme une place dans la chanson. J'aimerais que mes sons tournent, mais je sais comment les gens sont. Mais dis-moi comment t'es, nos commentaires. J'ai besoin de vous, voyez ça comme une entraide. Éclairez vos lanternes avant qu'on m'enterre. Mon parcours dans la musique, je le vois que sur du long terme. Mon cœur se glace en hiver, mes pleurs tombent en automne. D'où je vis à plus de balance que dans le mois d'octobre. Avec leurs mains, ils font le mauvais geste, tant pis. C'est pas grave, c'est ma sincérité que j'ai, tant pis. Y'a pas d'art, plus j'avance. Et tu restes en guise, ne laisse pas le rappeur avec sa veste en jean et plein de badges. Le temps passe, j'entends partout que le rap c'est terminé. Il veut se faire un buzz aussi haut que Bernard Minet. Je pourrais le jurer sur la vie de ma daronne. Si la vie veut me baiser, dites-lui que j'ai envie de la daronne. Ne laisse pas prendre ta place, sinon c'est l'extase. T'as sorti d'un mobilette, je prendrai mon Vespa. On teste pas des Louis Vuitton en portant des Kipsta. C'est comme avoir un Mac, puis retourner sous Vista. Mes délignes 3D, si ta petite amie a les fesses plate, poussière de rêve pour qu'elle puisse devenir mon esclave. Et comme promis, je l'emmènerai bronzer en Espagne. Tu n'as pas d'oseille, donc tu vas toucher ta petite Vespa, n'est-ce pas? Ok, yeah, ok, it's good, ok, yeah. Oh, et on poursuit. Oh, on poursuit. Là, là, là, vous êtes de retour à 70%. Ça, après, si on a touché à des sujets assez chauds ce soir... Toi, Daniel, est-ce que t'es politisé? Moi, je te dirais, tu sais, je danse avec des chats. Ça couvre pas mal tout ce qui se passe dans mon côté politique. OK, fait que t'es pas allergique aux chats? Non, je suis pas allergique aux chats, mais non, je suis pas très politisé. Je te dirais que... On dirait que moi, je vais dans mon côté enfant, puis j'aime ça trouver des jouets, puis jouer avec ça. Puis ça, c'est la façon que j'ai... Ben, la façon de... C'est la façon que j'ai trouvé de me faire du bien, tu sais. Okay. Puis moi, j'essaye de faire du bien comme ça, tu sais, de faire du bien avec des jokes absurdes, puis des personnages bizarres. Ça, c'est de même que j'essaye de faire de la politique, tu sais. C'est de la belle, une belle attitude, je pense. Bon, okay, ouais, ben, t'as trouvé ton plaisir et tu le partages. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense aussi que le système n'est pas fait nécessairement pour qu'on y réponde. Là. On va en parler un petit peu plus tard. Ce qui nous amène à la suite, je pense que tu peux y aller pour le prochain chroniqueur, mon cher Nick. Simon Portalance, mesdames, messieurs. Yes. Bonjour. Salut, Tommy. Comment vas-tu? Hey, ça va bien, man. Si je fitais dans ton T-shirt, je te le squatterais. Il ben, y a peut-être de la place. Lui, non, pas non, il n'y a pas de place. Pas pour moi, en tout cas. Là. Vas-y, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais une chronique un peu différente d'habitude. En fait, hier matin... Après avoir travaillé de nuit, je suis allé au McDonald's me chercher un café. Oh, t'as trahi le PFK. Non, ben oui, mais il n'y a pas de café au PFK. Ah, voilà, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai pas le choix, mais tu sais, je vais dans ce qu'il y a de plus proche. Et devinez avec qui j'ai fait un face-à-face. Nick Jagger. Paul Sarrazin. Oh, exactement. Ouais. Il y a quelqu'un qui était au courant. Il y a quelqu'un ben, pour qui c'était pas une nouvelle. Ça fait juste depuis le début de la soirée qu'il se promène partout. Hey, j'ai rencontré Paul Sarrazin. Okay, okay. Non, ben je l'ai écrit sur Facebook, ça revient à la même affaire. Il est déjà venu à 70% lui. Ah, ben, ouais. J'ai la même numérologie que lui. Ben, je pensais que c'est lui qui avait crié. Là, Paul Sarrazin, ben oui. Là, je rentre chez. Je rentre chez McDonald's, puis là, je le vois. Il sort, je rentre. Puis là, je le regarde dans les yeux, je dis, ça, il me dit quelque chose, puis je catch en dedans, mais là, il y a une connexion. Il m'a parlé de musique aujourd'hui. Ah, c'est bon. Comme lui, il m'a inspiré. Alors, vous savez, là, de nos jours... Mais là, tu n'y as pas parlé, là, tu l'as juste non. reconnu, puis non, c'était assez pour... Non, parce que j'ai pas catché que c'était lui, sur le coup. Tu sais, il a quand même changé. Il avait quand même son costume de McDo aussi. Que... Ouais, c'est vrai. Puis... Puis, vous savez, ce qui est à la mode en 2015, c'est les vinyles. Puis moi, j'ai beaucoup d'amis qui collectionnent ça. Ils sont comme, ah, regarde, man, je me suis trouvé un nouveau Pink Floyd, je me suis trouvé un nouveau Metallica réédité, pis tout. Moi, je suis comme, non. Moi, je vais vous montrer c'est quoi de la vraie musique aujourd'hui. La pure, tu sais. J'aime le, faire un le top Pink 3. Floyd pis Metallica, c'était pas de la vraie musique. Non. Qu'est-ce non. que c'est ça, de la vraie c'est musique? C'est ancré d'une époque, c'est, ça passe pas. Moi, j'ai trois albums que je vais vous montrer aujourd'hui. Mon premier, ça s'appelle « Autre chose, le cauchemar américain ». C'est un excellent disque parce que ben, on sent vraiment toute la vibe de rue, Lucien Francaire qui fait de la drogue et tout. C'est vraiment capoté. C'est le troisième, le dernier que « Autre chose » ont fait. Il y a beaucoup de claviers, contrairement aux autres. Ça fait ça, on sent que les années 80 s'en viennent. Moi, je comparerais ça à du Rush, parce que c'est vraiment fucké. Puis dans le temps, Rush, c'était des fuckés. Fait que ça, c'est des fuckés. Mais si c'est le troisième puis le dernier qu'ils ont fait, comment ça, ils en préparent un cinquième? Ils en font un cinquième parce qu'ils font un comeback. Ah non, ben, c'est vrai, il y en a eu un le... quatrième. Ah, attends, il y en a eu un quatrième. Autre chose, c'est reformé en 2005. Et ils se sont excusés aussi. Du 30e anniversaire. Ouais. Mais il faut savoir qu'il y a juste Francoeur et Jacques Racine qui étaient... Fait que c'est comme un faux comeback un peu. Ça, quand tu racontes ça aux filles, ça l'aide-tu? Non. Non. Je pense que ça empire. Faut juste que tu trouves la bonne. Moi, j'aime les mêmes tunes que ton père. Ben non, mais mon ex, son père, trippait sur autre chose. Puis je passais des heures à parler d'autre chose avec. C'était vraiment des beaux moments. Elle était comme, oh, tabarnak. C'est ton ex aussi, hein? C'est ton ex aussi. Ouais, c'est mon ex, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui serait vraiment hot, c'est que nous autres, on fasse un album, puis on appelle ça autre chose, mais ça serait vraiment autre ouais, chose. Ça serait autre chose, ouais. Ça serait malade. Ça m'amène à mon gag, très préparé. Okay. Mélangeons du rock progressif avec du slam, ça donne autre chose. Ouais, ben parce que ouais. Dans le contexte, ça n'avait ouais, jamais ouais. été fait, le rap ouais. n'existait pas. Ah, bon. Cet homme a créé le rap. Ah, ben c'est et innovateur. Ouais. Tu iras te promener à New York, là, dans le ouais. dans Brooklyn, là, puis tu crieras ça. Bon, ouais, tu nous reviendras avec ton étude. Cet album-là donne le goût de jouer au bras, de shooter un point, plein d'affaires de même. Puis on va écouter un extrait de cet album-là. On va écouter Le Petit Gros, qui est ma préférée, je trouve. Ça, okay. C'est cool. L'extrait. Toujours à taverne avec sa bédaine. Il drop des donneurs, puis il n'a pas peur d'avoir peur. Petit gros dropper de donneur, petit gros Batman de taverne, dans nos possibles. Ah, ah. Swing le petit gros dans son stéréo. Yeah! Et il y a Chinook, notre danseur radiophonique. Yes, right. Bienvenue, s'il vous plaît, on l'applaudit. Chinook, le meilleur danseur radiophonique de toute l'histoire de la radio. Étant donné qu'on est à douteux, je vais noter mes albums de plus 10 à moins 10, comme vous faites avec des films. Ça, honnêtement, ça vaut un plus 7, parce que j'aime ça pour vrai. Ben oui, c'était swing, c'est bon ça. Qui nous amène au funky trash assumé. Vis ta vinaigrette de Marc Drouin. Ah, wow! Marc Drouin, c'est son deuxième album, puis à mon avis, sans aucun doute son meilleur, parce que non seulement t'as Marc Drouin, tu payes pour du Marc Drouin, mais en plus t'as les échalotes, t'as Dolby Stereo, qui a fait pied de poule, t'as les beaux blonds, que c'est les bébés, avant que ça s'appelle les bébés, mais puis c'est ça, fait qu'il y a la première tune des bébés là-dedans, juste dommage que... J'avais pas cet album-là quand j'ai chanté avec eux il y a 2 mois, malheureusement. Parce que j'aurais parlé de ça, j'aurais eu l'air intelligent. Mais en tout cas... Fait que là, dans le fond, tu peux cruiser n'importe quelle mère de n'importe quelle fille. Ouais, c'est ça. Tu peux cruiser n'importe quel père non, avec autre chose. Je comprends n'importe pas. Quelle mère avec... Puis ça, mais Pink Floyd, c'est pas de la vraie musique. C'est quoi qu'il faut pour plaire aux parents de ta blonde? C'est d'avoir l'air intelligent. Puis c'est de ça que j'ai de l'air avec ces deux albums-là. Fait que si faux, les parents m'aiment, les parents vont faire pression sur la fille que j'ai en vue. C'est un bon petit gars, il écoute de la bonne musique, puis à moi la victoire. Ah quoi. Oui. Ça sent humide, drite jusqu'ici. Fait que ça, il y a une joyeuse ribambelle de gens là-dedans. Il y a des bonnes tunes, vite de même. Vite à vinaigrette, oui, Remix, c'est moi. Monsieur Disney, que c'est une bonne. Trop de beaux gars. Ah, il y a trop ouais. de beaux gars. Il y a ça, Berceuse c'est... pour Barbie, qui est la première toune des bébés. Puis il y a Go-Go Boy, que c'est super cool. On écoute, on écoute. Puis après l'école. Après l'école, c'était sur l'autre d'avant. Ouais. On va écouter l'extrait numéro 2 de Vite à Vinaigrette. Malheureusement, l'album n'est pas disponible vraiment sur YouTube, sur Internet. J'ai rien que Vite à Vinaigrette. Parce que personne n'a numérisé ça. Parce que personne n'est assez cave pour numériser ça. J'ai pleuré, quelqu'un venait couper le cordon dans mon Walkman. Ensuite on m'a donné une claque sur les fesses et on m'a demandé fumeur ou non fumeur. Des fois j'ai vu des hauts, des fois j'ai vu des bas, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Voilà, ouais. C'est yes. Sans la vibe années 80, la prédominance de la bass funky, ouais. J'adore ça, mais j'adore pas ça pour les bonnes raisons, fait que je donne moins 7. Ça me va. Oui, on est à mais moins 7. Je suis diverti, mais est-ce que c'est de la manière que les autres voulaient? Mais la carrière de Marc Drouin au complet, c'est pas mal moins 7. Là. En moyenne. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, des fois, ça va à plus 9, des fois à moins 4. Ah ouais? Abby de Gorée, plus 9? J'ai pas trippé. C'est quoi Abby de Gorée? Il a fait un comeback en 2003, puis il y a une tune vraiment ça... techno. Viens-t'en dans mon habit de gorille, je m'en vais dans la rue avec mon habit de gorille. Bon, ça, c'est meilleur. Comment? Ouais, c'est... Ma version est cool. Mais ça, c'était les dernières années qu'il était avec Marc, avec Luc. Ouais, c'est ça, c'était vraiment à la fin. Là. C'est ça, c'était les derniers. Là, il est moins. Là. Le dernier financement. On passe au troisième et ultime album, Soupir. L'album Eclipse. Vite de même, ça a l'air d'être des formes géométriques, mais c'est pas juste ça, c'est le band de Norman Brathwaite. À une époque transitoire, il sortait de chez Denise, il s'en allait vers Pimentfort, puis tout, c'est comme un peu entre les deux, puis on sentait qu'il cherchait, mais la musique, c'est vraiment cool, c'est du rock, c'est funky, il y a des petites passes funky là-dedans, mais il y a beaucoup d'électro parce que c'est dans les années 1983, c'est ancré sur son temps, ça parle de robots, ça parle ça parle de jeux vidéo, ça parle d'amour, ça parle de graffiti, c'est vraiment cool. Puis un petit fun fact, c'est que les voix de robots dans le métal, dans Je verse des larmes de métal, ont été faites avec le vocoder. C'est un instrument qui servait à faire des voix de robot de Pierre-André, non pas Pierre-André Gauthier, de autre chose. Ah, yeah! On fait des et la boucle est bouclée, on peut recommencer ta chronique au début. Voilà, c'est un éternel recommencement. Puis, ce n'est pas tout, Norman Brathwaite faisait partie de la distribution de Pied de poule quelques années auparavant, qui était écrite par Marc Drouin. Ben ouais. Alors, oh, cet album conclut... C'est Disception. Tout est dans tout. On va écouter trois extraits. La chanson Coup de poing, la chanson Game Over et la chanson Metal, que vous connaissez pas mal toutes, j'imagine. Ah, ça ressemble à... ça ressemble à Ben à poing. Comme un coup. Comme un coup de poing. Alors, on a grandi avec ça. Cet album, je l'ai acheté il y a une semaine. Il a tourné 10 fois au moins minimum. Je l'écoute tout le temps, je capote. Je donne moins 8 à cet album. Ça le mérite. Je suis diverti. J'en ai eu pour mon 7,99$. Puis je fais un petit bonus. Pour vous, un petit bonus. Un petit bonus. Le club des 100 watts. Hey, le vaisseau de Saturne là-dessus. Hein? Ah, 100 watts. Pas... Le vaisseau de Saturne. Hey, ramène-moi ça. Ouais, il va le digitaliser. Il va mal numériser. Fait que cet album-là, dans le fond, je l'ai payé 7,99$. Là, on parle pour ceux qui n'ont pas la couleur. Là, on parle de l'album des 100 watts. L'émission de Marc-André Coallier à Radio Québec. Que je suis trop jeune pour avoir connu, mais pour la culture générale, c'est tout le temps bon. Il y a 14 chansons sur cet album. Et dans le fond, les deux qui valent la peine, c'est Allume tes 100 watts et version instrumentale de Allume tes 100 watts. Le vaisseau de Saturne. Ben moi, le vaisseau de Saturne. Ça tombe dans le moins solide. Il y a le rock des vidanges aussi qui est pas pire. Le micro-ben-roll aussi. Le micro-ben-roll. T'es le plus beau Martin Bibeau. Ça, c'est hot. Par contre, le gros point négatif de cet album-là, c'est qu'il n'y a aucune mention, aucune apparition de Marc-André Coallier. Nulle part. Il n'est pas là. Puis ça a fait mal. Non, ouais, les gens sont outrés. On va écouter la chanson thème, l'extrait numéro 4. Un peu plus tes lumières. Moi, je pense que j'ai une solution. Vie comme un illuminé, tu vas nous éclairer. Hey, on se croirait à fureur, c'est malade. Puis, c'est ça. Fait que cette chanson-là, je crois que c'est la solution pour régler toutes les guerres, toutes les famines dans le monde. Fais écouter ça à tout le monde une fois par jour. Tout le monde est de bonne humeur. Tout va bien. Plus personne n'a faim. Je suis sûr que t'as raison. Ouais. Moi, je sais que j'ai raison, en tout cas. La chanson thème, je donne plus 10. Puis le reste de l'album, moins 4. Puis c'est pas mal ça, ça résume mes... Simon Portelance, mesdames, messieurs! Merci beaucoup. Merci bien gros, hein, puis t'as amené en plus des reliques précieuses du passé, hein, à 70%. Qui sont pour la plupart en excellent état. Et voilà. Il y en a pas un qui saute, tout va bien. À date. Non, ça c'est ça, je les garde, ça va dans ma rampe. Non, mais le truc c'est d'aller dire, tiens, prends 80$. Vous êtes tous invités à venir l'écouter sur mon chambre. Lit, pas de base de lit. Ah, ben, aïe, aïe. Moi, un grand Meg qui parle de musique et qui a les cheveux longs, je suis bandé. Ah, c'est apprécié, ça va bien, ce 70%-là. Ouais, c'est fluide, hein? Il y en a juste un qui s'est enfargé dans son texte. Ah ouais? Est-ce que ça t'arrivait, toi, dans le temps, de t'enfarger dans son texte? Dans mon texte, c'est... ouais, peut-être, je sais plus. On la garde pareille, elle est bonne. Ouais, OK, parfait. Ouais. Mais nous autres, vu que c'était à la télé, souvent, quand je m'enfargeais, je retournais une prise, tu sais, c'était pas pire. Ouais, j'avoue. Ouais, c'était pratique. Nous autres, on est live. Pis tout. Ouais, ouais. Est-ce que t'as déjà dit quelque chose que tu regrettes à un média quelconque? T'as refusé de faire piment fort ou... Non, ben j'avais refusé dans le temps, je sais pas le pourquoi. Le piment gay, t'as ouais, hein, tout le monde parle de ça, c'est temps ça. Hashtag piment gay. Non, j'assume pas mal tout ce que je dis, tu sais. J'assume ce que je dis. Est-ce que t'as l'air bon vivant? J'espère te revoir dans le futur. Ah, right. Ouais, ouais. Ça nous amène tranquillement, pas vite, vers le prochain chroniqueur, mon cher Nick. Oh, ben, go! À l'abordage! À l'abordage! J'apprends d'assaut et d'otage le show! C'est la journée des pirates, Chris Lagrin! Ben, fait que je fais pas les autres nouvelles. Que non, je tu fais faire. Pas tes autres nouvelles. Ah d'accord. Ben, Eric Carmen hijack le show, mutinerie. Chris, hey, tu t'en vas dans la bonne direction, le grain. Salut, capitaine! Salut, amiral! Salut, moussaillon! Yeah! Salut les gorlots du brouhaha! Yeah! Salut toi! Salut! Ça, je te reconnais, toi! Ouais? Attends un peu. Tommy Taillo des records gainettes! Ouais, c'est flou, mais ça me dit quelque chose! Le gars du Biggest Chin World Tour, le grand! Hey! Santé, copain! Ouais, yes! Un petit chin, mais ça va faire pareil! Chris, hey, ça c'est un invité, Tommy Taillon, le grain. Ah, je te jure, on n'a pas n'importe qui. Non. Ouais. Fait que quand est-ce que tu t'en vas? Ouais, ben là, c'est justement ça, là. Hey, vous autres, vous faites chier tous les deux, là, avec ta gueule en vacances en Abitibi, Chris, pendant que nous autres, on travaille comme des caves la semaine passée, vous faites chier. C'était plus comme des déprimés la semaine passée. Ben, en tout cas, j'ai failli faire une mutinerie, le grain. Ben, sors-les tes mutineries. Hein. Là, là! Là, je suis pas ici pour mon plaisir, mais pour le vôtre. OK? J'ai deux messages d'intérêt... Tout le monde sent ça, là. C'est ça. J'ai deux messages d'intérêt public. OK. Premièrement, je viens protester contre les hosties de Maillet qui m'aiment pas. OK? J'ai boire asti de grain, là. Là, là, moi, je les haïs, ces astis de sans-destin, là, hein. Tu vois que la discussion avance. Tout le monde devrait m'aimer, sacrement. Allons donc. Gang de cave, ça sait même pas vivre, asti de grain. Me suis dit qu'à force de venir protester, peut-être qu'ils vont finir par m'aimer, calice. OK, next. Bon. Deuxième message d'intérêt public, le grain. Les poules. V'là votre chance. Éric travaille pas à soir. Puis il est célibataire depuis deux jours. Go, go, go, go, go, go, go. Puis j'ai une petite joke en finissant. Hey boy. Savez-vous c'est quoi la différence entre une poêlonne et une femme? Aucune différence. Oui, il y en a une. Quand tu mets la saucisse dans la poêlonne, elle rapetisse. Hey yo! On s'excuse de cette interruption bien involontaire de notre part. C'était pas prévu, ça. C'est après si on va se parler. Là. Moi, j'aime ça, le côté pirate. Moi, j'aime ça, les pirates. J'ai une joke de pirate. Est-ce qu'on veut entendre la joke de pirate de Daniel Grenier? Je pense que ça a fait le cut. Ouais, ah oui, mais c'est une bout de chanson de pirate que j'ai écrit. OK, je vais vous la chanter à cappella. Ça dure peut-être 20 secondes. OK. Un pirate s'est blessé au show de Céline Dion. Parce qu'avec son crochet, il a troué son autre main en applaudissant. C'est effectivement un aléa de la vie de pirate qu'on n'est pas habitué. Parlez-en, hein? Il faut s'exprimer sur ce sujet-là. On n'en parle pas assez. Il faut que ça se sache. Je pense qu'on est rendu. Il nous reste un chroniqueur? J'espère que oui, parce que sinon ça a l'air fou ce que je suis en train de vivre. Là. Ça a l'air fou en effet, mais Damien, il est pas là. On l'aime beaucoup, Damien, quand même, et on espère qu'il sera là la prochaine fois. Ouais. Ce qui fait qu'on n'attendra plus avant d'avoir la fin du show et la prestation live de notre invité. Ah. Daniel Grenier, mesdames, messieurs. Okay. Oui. Je remercie Bruno Corbin, Mathieu Boudreau, l'excellent Andy Jacques, Élise, Nick à la technique. On a eu Simon Portelance. On remercie autre chose, les cheveux de choses, là, voyons. Le chanteur de autre chose, Laurent Chose Flanqueur. Et puis, voyons, il y avait Laurent aussi. Va chier, toi. OK. Là-dessus, c'est quoi? C'est Shiny! Shiny! On tasse les choses, on laisse le contrôle à notre ami Daniel. OK. On va te miker avec... peux-tu amener le trépied? Okay. On va miker sa guitare avec le trépied. All right. Je vais vous faire juste une petite tonne qui dure une minute et quart. Mais après, le pirate s'est blessé, je vais continuer. Il y avait un autre bout à tune. Je disais, le pirate s'est blessé au show de Céline Dion parce qu'avec son crochet, il a troué son autre main en applaudissant. Puis après, ça disait... Puis après, il y avait une graine dans l'œil. Fait que vous savez ce qui s'est passé. Puis fait chier, c'était même pas l'œil qui avait une patch. Un pirate s'est blessé au show de Céline Dion. OK, ça sonne... Ça a l'air bien parti. OK. All right. Êtes-vous prêts? All right, moi aussi, je suis prêt. C'est pas le bon mic? Y a-tu quelque chose pour... Ah, ça, c'est le... Il ressemble en tabarnouche, en tout cas. Moi, j'aurais pas vu la différence. Ah oui, c'est des mics amoureux. Ah, des petits bébés micro. Des micro-casses, ils vont avoir des micro-casses s'ils sortent ensemble. All right. Non, des micro-cravates. Des petits micro-cravates. Ça, c'est drôle. Un bébé micro-cravate. Tu sais, pour le baptiser, il faut juste un, deux tests. Un, deux tests. Il est baptisé, il marche. All right. Ouais, il marche, c'est bon, ça aussi. OK, bon, on va y aller. Est vraiment triste. La danseuse érotique, pudique. Il a fait faillite. Le boucher végétarien. Il manque jamais de job. Le pompier pyromane. Il retrouve toujours son chemin. le randonneur lépreux. Et moi, qui aime toutes les femmes, je suis allé me marier avec un homme. Il est vraiment plus vieux que moi. Il fait de la démence. Il fait de la démence. Il me dit que j'ai volé ses lunettes. Mais il les a tout le temps sur le nez. Il dit qu'il va me frapper si je laisse pas m'enculer. J'aime pas ça quand il fait ça. Mais il m'achète des petits cadeaux. Fait que ça compense. L'autre jour, il m'a acheté une montre. Il m'a même acheté un vélo. Mais j'en fais pas souvent parce que ça me fait mal quand je m'assois. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Il y a eu... Un autre? Un autre? OK, je peux faire le drummer de Kiss, peut-être? OK. Voyons pourquoi le drummer de Kiss se maquille en chat. Ben voyons pourquoi le drummer de Kiss se maquille en chat. Ben voyons aussi pourquoi le drummer de Kiss se maquille en chat. Voyons aussi pourquoi c'est vrai qu'il fait ça. Pendant que les autres membres du groupe sont comme en genre de dragon. Ben voyons aussi pourquoi le drummer de Kiss se maquille en chat. Oui, je sais pas pourquoi c'est vrai qu'il fait ça. Sur la scène, les techniciens de scène devraient lui envoyer une pelote de laine. Pour que le drummer de Kiss s'amuse avec. Et dans son bass drum, il devrait mettre de l'herbe à foie. Dans sa loge, une litière. Eh bien, voyons, pourquoi le drummer de Kiss se maquille en foie? Eh bien, voyons, pourquoi le drummer de Kiss se maquille en foie? C'est-tu parce qu'à un moment donné, quand il était jeune, il est allé dans un centre d'achat? Pis là, dans le centre d'achat, tu sais, il y avait des jeunes femmes qui maquillent des enfants chats. Pis là, lui, il avait demandé à son père. Il avait dit, papa, est-ce que je pourrais me faire maquiller en chat? Son père avait dit, fais pas ça, tu vas avoir l'air cave! Ça y avait fait comme de la peine. Mais là, plus tard, quand il est arrivé dans son groupe rock, il a décidé de se maquiller en chat pour confronter l'autorité parentale. Se fait-il des maquillages de félin? C'est-tu parce que quand il prend son bain, il est le seul à être capable de se licher le cul. Merci beaucoup! C'est pas évident à danser, puis il a réussi! Si t'as réussi à le danser ça, c'est saccadé! Hein? Danseur, comment il s'appelle donc? Chinook? Chinook! Chinook! Hey, merci tout le monde. À la prochaine. Fucking Daniel Grenier à 70%. Oh, ouais, applaudis. De toute beauté. Ouais, c'est en fait et la soirée continue de commencer parce que maintenant on va baisser l'écran. J'espère que tu restes avec nous pendant encore un petit bout de temps, Daniel, parce que on a préparé une compilation de tes meilleurs bouts du passé. Ouais, ouais, on fait ça nous autres parce qu'à la base, Douto, on est des archiveurs. On est ceux qui aiment le passé et qui pensent qu'ils devraient prendre un peu plus de place dans nos vies quand on parle de culture. Le nouveau Batman va être bien moins bon que n'importe quel épisode de l'autre, là, tu sais, qui est habillé serré puis qui a un Bat Shark Repellent. C'est mon opinion. Vous pouvez la mettre sur ma tombe. Sinon, mon nom est Tommy Godette et dans quelques instants, en tant que candidat du Parti Rhinocéros, on a le droit de présenter des clips à Radio-Canada et à CBC. Et c'est du temps d'antenne qui nous est donné. Et c'est quelque chose qu'on est content de profiter de. Ce nonobstant, on a fait face cette année à des épreuves qui sont au-delà de tout ce que la décence de ce qui s'appelle un pays démocratique peut vouloir comme accepter. Est-ce que vous êtes au courant, mettons, que nous, le Parti Rhinocéros, il n'y a pas grand monde qui parle de nous, et on a eu 6 minutes à la TV nationale. Et les conservateurs, tout le monde les connaît. Une grosse main d'applaudissements pour les conservateurs. Et eux ont 122 minutes de temps gratuit. C'est un petit peu comme si, mettons, les Blackhawks viennent de gagner la Coupe Stanley, fait qu'on leur laisse les 3 premiers choix au prochain repêchage. Vous voyez comment c'est bien fait, la politique, tu sais. Et donc, là, nos clips, il a fallu les faire. On a appris, genre, lundi, et il fallait que ce soit prêt pour le mercredi d'après. On avait 10 jours pour faire 4 minutes de qualité professionnelle. Et là, on s'est dit, c'est correct, on a des caméras HD, on va peser record, on a des bonnes idées. Et là, après ça, ils nous ont envoyé les feuilles avec les demandes techniques, les devis techniques. C'était 10 pages d'épais, c'était long, et il y avait plein de spécifications que, tu sais, des bénévoles comme moi, puis notre excellent François Petitpas, Louis-Ernest, Laurent Agla, Guiz de Pessemier, c'est pas le genre d'affaires qu'on est habitué à jongler. Donc, ça a été des nuits très raccourcies pour essayer de livrer ça dans les délais déterminés. Et ça m'amène à la dernière épreuve qu'on a franchie, parce qu'on en a franchi plusieurs. Et la dernière, c'est qu'ils voulaient avoir un lien WeTransfer ou Dropbox. Mais les codecs qu'ils exigeaient fait qu'un clip de 2 minutes, ça pèse 2,5 gigs. WeTransfer ou Dropbox, ça prend 2 gigs maximum. Donc, il faut envoyer ça à eux autres. Mais comment tu fais? Fait que là, on a passé 4 jours, on est des adultes, on est rusés, on est capables, on a des moyens, on a des amis, on a des ressources. Et finalement, on est allé mener sur une clé USB en disant « Tu me niaises? » Et voilà. Donc, c'est un petit peu le contexte dans lequel c'est un combat pour la démocratie, la vraie. On l'a vécu pour vous. Je sais que ça vous tente pas d'aller voter le 19 octobre qui s'en vient, mais si vous y allez pas, ça va sûrement rien changer. Là, mais... en tout cas, hein? Là-dessus, mon slogan, ça reste « Je divise le vote pour Justin Trudeau ». Et là-dessus, on va vous présenter en primeur les 2 publicités qu'on a tournées, moi et les amis, qui vont passer à la télévision nationale. J'ai oublié de mentionner Bruno tantôt dans les bénévoles impliqués. J'ai aussi oublié de mentionner Mathieu Boudreau. C'est des gars que je prends pour acquis. C'est bon, Mathieu, continue. Non, c'est... Je vous aime, les gars. Là-dessus, on écoute les 2 clips et je reviendrai pas parler au micro parce que juste après, il va y avoir la première et ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire tant que lui, il va en fournir. Mais on va avoir une primeur des pile-poils de Simon Portelance et de sa bande. Et ensuite, on part dans notre set de VJ avec les excellents Nicolas et Bruno. Nicolas! Et je terminerai peut-être avant qu'on se lance dans le visionnement de nos 2 clips avec le fait que... Merci Daniel Grenier. je pense... Je voulais pas terminer avec ça. Je voulais terminer avec le fait que... je crois pas en ça, le combat entre les ninjas pis les pirates. Moi, je pense que si des ninjas se ramasseraient sur un bateau, ça serait des pirates. Et si les pirates auraient plus de bateau, ils deviendraient des ninjas. Moi, je crois à l'amitié pirate-ninja. C'est mes 2 types de films préférés. Et là-dessus, ben voilà, place à l'écran. On va sortir les projectiles. Il va y avoir l'encan tantôt. C'est une belle soirée du lundi au douteux. Merci, Daniel Grenier. Oh. Hello, Canada! Tommy Godette, professional dartologist, here to guide you through a quick recap of the Rhinocéros Party. Here are some of our modern thoughts on what will happen if you lend us the ultimate Canadian power for a while. Me. We would introduce the picture of the animal you're eating on the wrapping. We love meat. We would start a Kickstarter campaign to eliminate Canada's debt. We would make sure Canada becomes the world leading importer of lights. If I was not voting for the Bloc, I would be voting for the Rhino and the Tommy Godet for Justin Trudeau. The rhinoceros would implement proportional vote, abolish the Senate, and some other thing. We would build water slides at the Parliament to ensure kids have fun visiting it. To illustrate the openness of Canadian minds, Friday would become Pride Day. We even have that awesome new national anthem and this kick-ass new flag. Yeah. Canada. Hey, hey. We are nice people. If you don't vote for us, please vote for everyone else. We love meat. Cette propagande est autorisée par l'agent principal du Parti Rhinocéros Parti du Canada. Salut, c'est moi, Tommy. Tom Godette, content de vous parler à la télévision nationale pour une deuxième fois. Lors de mon premier message, j'ai insisté sur l'importance de la transparence pour un gouvernement démocratique efficace et juste. Malheureusement, depuis les dernières élections, le Canada bâillonne ses scientifiques, ses politiciens, ses journalistes, ses artistes. Le pouvoir et l'information se centralisent. La censure est omniprésente. Autant dire qu'on a fait le contraire que de travailler la motivation de mes concitoyens envers un quelconque projet de société. Face au cynisme, à l'impuissance et à la corruption généralisée, que pouvons-nous faire? La réputation du Canada comme pays soucieux de l'environnement, un endroit où il fait bon vivre pour tous, est-elle entachée pour toujours? Est-il encore possible de réaliser le changement drastique de paradigme résultant de notre mode de vie, mettant le profit au centre de tout succès? Je vous le dis, la solution est évidente. Justin Trudeau. Jeune, fougueux, beau, il pense à tous, même aux extraterrestres. Il est capable de voler, il est immunisé aux escaliers, il est capable de multiplier les calendriers. En fait, les gens me disent « T'es correct, Tom » ou « T'es pas un escroc, Tom ». Mais force me d'admettre que je ne fais vraiment pas le poids. Et si je veux que le Canada redevienne le grand pays qu'il a été, je dois faire ma part, si petite soit-elle. Oui, je suis Tom Godette du Parti Rhinocéros, et le 19 octobre qui vient, je divise le vote pour Justin Trudeau. Let's go, tout le monde, on se laisse aller! Let's go, on se laisse aller! Il est pas fort, le micro? Let's go, on se laisse aller! Ah, il était plus fort, l'autre micro, je vais prendre l'autre. Lui, il est fort. Lui, il est pas fort. Ah, ouais, tu peux-tu lever le micro, s'il te plaît? Désolé. Tu me dis c'est lequel? OK. Un, deux. Ah, ça commence à être fort. C'est bon, un, deux. OK, on va recommencer, c'est pas grave. C'est comme le gars, il sort de nulle part. Là. OK, c'est bon. Let's go, tout le monde, on se laisse aller. Let's go, on se laisse aller. Let's go, on se laisse aller. Let's go, on se laisse aller. Montre le son, s'il te plaît. Rapetit, petit, peton. Saute, bang, bang. Fais des jolis bons. Bang, bang, grimpe, grimpe, jusqu'au plafond. Pâte de velours, fais-moi des mamours, des musiques à vol d'oiseaux sur les ailes de deux oiseaux. On s'amuse, muse, muse, dans les bras de cornemuse, cornemuse. Cornemuse. J'aime ça. Bonjour tout le monde, ça va bien? Non, non, non, non, non, on m'a dit que vous étiez un public chaleureux plus fort que ça. Bonjour tout le monde, ça va bien? Ouais! Yes, ça, j'aime ça. Je me présente. Mon nom est Cédule Léveillé. Je sais pas si tu étais faire un tour sur les sites Internet. Je pense que Tommy Godette, il m'a sodomisé sans même le savoir. Là. Il me dit, il est comme, envoie-moi un petit texte de présentation. Moi, je dis, il n'y a pas de trouble. Là, j'ai dit, combien de lignes? T'sais, moi, j'étais prêt à écrire 225 lignes. Je suis quand même un aigle. J'étais prêt à écrire beaucoup de lignes, puis il me dit non, non, juste 3 lignes. Fait que moi, je me dis, ils vont me présenter demain au spectacle, ça va être drôle. Il met ça sur le site Internet. Que de la colisse de merde. C'est rare que chaque, là, mais c'est du caca, là. Vraiment du caca. Je suis vraiment très, très content d'être ici ce soir. J'ai le temps, ils m'ont fait commencer à 43. Je suis tellement content, merci. Je vais être capable de finir à 7h. Non, pour de vrai, merci de m'avoir invité au lundi douteux. C'est très, très apprécié. Puis j'ai compris. Tantôt, pourquoi ça s'appelle les lundis douteux? Tantôt, je m'en vais dans la salle de bain, puis j'ai compris tout de suite pourquoi ça s'appelait les lundis douteux. J'ai tout compris. Non, pour de vrai, je suis très, très, très content d'être ici. Ce soir, on va essayer des blagues. Puis, c'est pas pour rien que je suis le premier invité. C'est pas pour rien. Tommy Godette avec Élise Laferme sont cachés en arrière du comptoir. Il est comme, c'est 15 minutes maximum. J'espère qu'il va faire 6 minutes. Pour de vrai, il vous le dira jamais. Je suis vraiment nul à chier, pour vrai, en humour. Non, je vous taquine. Ça fait 3 ans que je fais de l'humour. On m'a connu sur Internet en train d'enculer des petites collégiennes. Vous êtes comme, c'est quoi? Il fait de l'humour ou il encule des petites collégiennes? Je fais les deux. Non, pour de vrai, ouais, je suis très, très polyvalent. Je vais rentrer dans l'entrée de jeu. Vous allez voir, à chaque 2 semaines, je vais venir. Je pourrais juste vous raconter ma vie. Puis ça serait fucked up. Je veux dire, moi, je souffre de schizophrénie. Ce qui veut dire, je souffre de schizophrénie, c'est que je fais des psychoses, des fois. Ce qui veut dire que moi, nowhere, peut-être là, dans 2 semaines, je vais venir vous raconter que des schtroumpfs qui m'ont attaqué, qui m'ont poignardé, j'étais pris dans le monde infiniment bleu, je me suis désintégré, puis je suis revenu de mes cendres. C'est pas un mot, mais on invente des mots à soir. Je suis vraiment fucking psychomanico-dépressif. Enfin, je rentrais comme ça après chaud, êtes-vous prêt pour commencer le vrai spectacle? Je pense qu'ils sont pas prêts. Il est comme, ce gars-là, c'est un humoriste, hein? Je ne savais pas. Non, pour de vrai, par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui bandent mou? Par applaudissement. J'aime ça, ils s'autodénoncent. J'aime ça. Parce que bander mou, c'est comme manger un Mr. Freeze décongelé. C'est bon, c'est vrai, mais il me semble que ça manque un peu de tenus. T'es comme, ma blonde, elle a tout essayé. Et comme je comprends pas pourquoi tu bandes mou, elle a tout essayé. Elle m'a traité de nègre en me demandant de retourner en Afrique. Puis j'aimais mieux y retourner. Elle s'est mise à 4 pattes devant moi. Elle était comme, traite-moi de salope, traite-moi de salope. Je l'ai appelée par le nom de sa mère à la place. Elle a vraiment tout essayé. Ben comme j'ai même essayé les objets sexuels, justement, c'est ça le problème. Peut-être que si t'arrêterais de me fister avec la tête d'un petit bébé noir en plastique, peut-être que je retrouverais le goût à la sexualité. Bon, je vais arrêter avant de vous choquer. Non, pour de vrai, je suis vraiment quelqu'un de psychomanico-dépressif, qui veut dire bipolaire, finalement, avec une schizophrénie associée. On va avoir du plaisir ce soir, surtout le monde de droite. On a trouvé ça pas mal drôle. Non, je dois vous avouer que dans mes temps libres, je ne sais pas comment vous réagissez quand quelqu'un vous coupe en voiture. Comment vous réagissez, n'importe qui, vous, en avant, comment vous réagissez quand quelqu'un vous coupe en voiture? Pardon, tu mets son tailleur? J'aime ça. Comment vous réagissez, monsieur? Et il commence à rager. Je sais pas trop si c'est ça ou il fait le chien, mais je suis pas sûr. Le gars, il rage. Moi aussi, j'ai ma petite façon de réagir quand je me fais couper en véhicule. Moi, ce que je fais, je me déguise. Je fais ça pour vous, moi, ce soir. Je me déguise. Pardon? Non, mais je vous explique, moi, ce que je fais dans ma vie tous les jours. J'ai toujours ce bac-là. Moi, pour de vrai, puis je me promène toujours avec ce bac-là fucking awkward. Vous allez voir, il y a beaucoup des choses bizarres là-dedans. Ce que je fais, c'est que je me déguise. Et moi, je commence... J'invective pas d'autres personnes. Je fais de la violence psychologique. Ils disent que... Ils disent qu'une goutte peut rendre fou en tombant 5-6 secondes. À toutes les secondes, tu te bats ta tête. Imaginez un gars qui se déguise puis qui commence à faire de la violence psychologique. Ça ressemble un peu à ça. Je vous explique. Je me déguise. Dans le footage, là, vous êtes comme « Aïe, il est trop pauvre, man. Il est trop pauvre, ce gars-là. Il n'est pas capable de s'acheter des bas. » Je vais vous faire une petite surprise. Je suis pas si pauvre que ça parce que j'ai des bas courts quand même. C'est pas règle. Foot Locker, merci beaucoup. J'ai quand même... Footlocker me donnait 100$ ce soir pour dire ça. J'ai quand même... Donc, je mets des gays. Je vous explique qu'est-ce que ça donne. Je charge mon véhicule. Et je me déguise. La fille, elle a what? Je comprends pas ce qui se passe. Donc, je commence. Tu peux-tu monter le son? Je commence. J'y fais des babayes. T'en veux des babayes? Il n'y a pas de problème. Envoie des babayes. T'en veux des babayes? Envoie des babayes. Tu me comprends plus jamais en voiture! T'en veux des babayes? En v'là des babayes! T'en veux des babayes? Je vais t'en faire des babayes! T'en veux des babayes? En v'là des babayes! Et puis jamais personne qui va me couper en véhicule dorénavant. Je fais ça quand même pour vous, là, imaginez. Là. Je dois vous avouer, c'est un peu plate ce soir parce que c'est quand même rapide. Je peux pas tout installer mes gags, mais quand même, vous allez bien. Vous allez vraiment comprendre c'est quoi quelqu'un qui souffre de schizophrénie. Ça ressemble un peu à moi. Normalement, j'ai des shirts, mais là, mon frère m'avait dit « Sors ton gay swag ». Il n'y a pas de problème, je vais rouler mes bottes pantalons. Je vais m'habiller toutes la même couleur et je vais sortir mon gay swag. Tout compris, le gay swag. Je voulais vous parler de ma cousine. Ma cousine, elle étudie en théâtre et elle a décidé de devenir sexologue. Je trouve ça un peu bizarre, mais quand même, elle décide de devenir sexologue. Puis depuis qu'elle est devenue sexologue, tout est rendu plus sensuel pour elle. Vous devriez la voir manger une banane. Ça ressemble un peu à ça. We chose, we change our hopes in vain. We jumped, never asking why. We kiss, I fell under your spell of love. No one coming now. Don't you ever say, I just walk away. I will always want you. Even I never for my life, I will always want you. I can win a wrecking ball! Wreck me! You! Je pense que je m'étais dit, le public du douteux était habitué à ce genre d'humour-là. Je pense ça à côté de la traque. Donc, non, mais il y a des gens qui rient, c'est pas pire. C'est sérieux, c'est la cinquième fois que je vois ça. C'était la meilleure. Mon caméraman est comme en creux, c'est la banane. Pour ça, ça va être Michael Jackson. Pour ça, ça va être Céline. Ah, oh, tu peux sortir de la scène, t'as tout dit ce que t'allais faire. OK, il me reste 8 minutes. Personnellement, il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai une peur bleue. Quand j'étais jeune, vous, normalement, la peur bleue, la pire phobie d'un enfant de 5 ans, c'est qu'il y a un clown caché dans son garde-robe, un monstre en dessous de leur lit. Moi, c'est que Michael Jackson sort des buissons qui fasse c'est moi qui va te garder ce soir. C'est vraiment ma plus grande phobie. Je vous fais la scène, ça ressemble un peu à ça. Michael Jackson qui veut me garder ce soir, ça ressemble à ça. Be careful what you do. C'est Dieu, n'aie pas peur. C'est moi qui te garde à soir. Ne sois pas au désespoir. On va faire ça dans le noir. C'est Dieu, c'est moi qui te garde ce soir. Ne sois pas au désespoir. On va faire ça dans le noir. tellement ri. J'avais fait un spectacle, puis personne n'a jamais autant ri comme ça. Bon, donc, sérieusement, il sourit. Le monde sourit. Ils sont comme, on veut plus jamais le revoir, ce gars-là. Il n'y a pas de problème, j'ai compris le message. Je ne sais pas si vous connaissez la toune, justement, cette toune-là. La connaissez-vous? Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est à vous que je parle. Connaissez-vous cette toune-là? Merci, il y en a deux, trois. Je dois vous avouer que cette toune-là, je trouve ça un peu bizarre. Tu sais, René Angélil, j'anime une soirée à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça fait plus d'un an que ça roule. Je présente mes numéros sur plusieurs soirées aussi. Et je dois vous avouer que j'ai pas catché encore l'histoire de Céline. René, au début, j'étais censé appeler mes soirées à Saint-Jean, les petites soirées louches. Mais j'ai eu peur que ce soit juste René Angélil qui vienne. J'ai changé le nom des soirées, puis finalement, René est quand même venu. Parce que c'était écrit 16 ans et moins. Mais René est quand même venu, on s'entend, le René. C'est pas un pédophile, mais proche. Là. La chanson, là, a été écrite quand Céline avait 12 ans. Moi, je suis sûr que René prenait Céline par en arrière, il mettait la main sur la bouche, il était comme « Chante, Céline! Chante! » Il était comme « Chante, Céline! Chante, Céline! » Live. Je suis sûr que c'est vraiment comme ça que ça se passait. Justement, par rapport à cette chanson-là sur Céline, je termine là-dessus. On s'entend, là, ça, c'est je réinvente rien. On sait que René Angélil, il se masturbe, étant donné qu'il n'est pas capable d'enfanter Céline, il se masturbe, il vient dans des petites éprouvettes, puis il envoie ça aux scientifiques pour enfanter Céline. Mais imaginez si une journée, il n'y a plus d'éprouvettes, puis qu'il vient directement dans un plat de yaourt. J'imagine juste son fiol, cette journée-là, manger du yaourt. Mais semble ça doit ressembler à ça. Ça fait plus de 8 ans qu'on fait les visionnements douteux ici, qu'on fait des spectacles gratuits. Et je pense que c'est la première fois qu'il y a une chanson de Céline Dion qui ne vient pas de la trame sonore de Opération Beurre d'Épinotte qui joue ici pendant nos spectacles. Merci beaucoup, c'est Dieu. Ça a été une première fois. Tu as l'air tout en sueur. Ah, ben c'est de l'eau, mais merci beaucoup. Écoutez, moi, c'est un peu ça, hein. C'est ça que ça fait la schizophrénie. Tu sais, je veux dire, vous, dans vos parties, vous êtes comme bon, on va faire des barbecues, on va jaser. Moi, je suis devant un miroir, puis je mange une banane. Tu sais, c'est juste un peu différent. Et voilà. Bon, ben, on laisse un petit peu le contrôle. Oui, merci à toi. On laisse le contrôle un petit peu à notre ami Nick à la technique. Et puis, bon, on va s'installer avec Daniel Grenier pour faire un 70% différent. Différent. Merci.